Les dessins des maisons d'habitation et des bâtiments publics à construire dans les régions sinistrées au nord de la province du Hamgen du Nord sont achevés. À la suite de la prise des mesures importantes de l'État et suivant la promotion des travaux de reconstruction, le cabinet ministériel a organisé des corps de dessinateurs compétents d'une part, et d'autre part, il a expédié sur les lieux les cadres de la direction de rétablissement et des établissements de dessin. Ayant terminé dans un bref délai l'enquête sur les régions ravagées, les dessinateurs ont achevé les plans des maisons d'habitation sans étage ou à plusieurs étages et des bâtiments publics, de sorte que les rues et les villages ne le cèdent à rien et que les habitants mènent une vie aisée. Ils accélèrent les préparatifs pour mettre en chantier les travaux de construction.